Les Rétractations, la revue des ouvrages de saint Augustin par lui-même, chapitre 15, de la Trinité, in, œuvre complète de saint Augustin, tome 1er, Guérin et compagnie, 1864, Markem d'Anarchivorg d'après abbaye saint-benoît.ch. J'ai composé, en plusieurs années, 15 livres sur la Trinité, qui est Dieu. Mais comme je n'en avais pas encore achevé 12, et que je les retenais trop longtemps au gré de ceux qui désiraient vivement les avoir, ils me furent soustraits, étant beaucoup moins corrigés qu'ils ne devaient et pouvaient l'être quand je les aurais voulu éditer. Lorsque je l'ai su, et que j'ai appris que d'autres exemplaires étaient restés parmi nous, j'avais résolu de ne pas les publier moi-même, mais de les garder tels et d'avertir dans quelqu'un de mes autres ouvrages, de ce qu'ils étaient devenus. Cependant mes frères m'ont tellement pressé que je n'ai pu résister, j'ai corrigé autant que je l'ai cru nécessaire, j'ai complété et j'ai ajouté en tête une lettre que j'ai écrite au vénérable Aurélien, évêque de l'église de Carthage. Sorte de prologue où je raconte ce qui est arrivé, quelle était mon intention et à quelle affectueuse contrainte j'ai cédé. Au livre, 11e, chapitre 5, parlant du corps visible, j'ai dit, en conséquence, aimer ce corps, c'est être fou. Ici il s'agit de cet amour par lequel on aime de façon à se croire heureux dans la jouissance de ce qu'on aime. Ce n'est pas être fou d'aimer, à la gloire du Créateur, la forme corporelle de façon à ce que jouissant du Créateur, on soit parfaitement heureux. De même, dans ce livre, 11e, chapitre 10. Je ne me souviens pas d'un oiseau quadrupède, car je n'en ai pas vu. Mais je considère aisément une telle image quand, à une forme d'oiseau telle que je l'ai vue, j'adjoins deux autres pieds tels que j'en ai vu aussi. En m'exprimant ainsi, je n'ai pas eu en pensée les quadrupèdes ailés dont parle l'Écriture. Elles ne comptent pas en effet comme pieds les deux jambes postérieures avec lesquelles s'élancent les sauterelles, qu'elles appellent pures. Aussi elles les distinguent des insectes ailés et impurs, qui ne sautent pas sur leurs jambes, comme les scarabées. Tous ces animaux ailés sont nommés des quadrupèdes dans la loi. Dans le 12e, chapitre 10, ce que j'ai dit en manière d'explication des paroles de l'apôtre, tout péché que fait l'homme est hors de son corps, ne me satisfait pas. Je ne pense pas non plus qu'il faille interpréter la parole. Celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps, en l'appliquant à celui qui agit pour obtenir ce qui procure des sensations au corps, et y placer son bonheur. En effet, cette pensée s'étend à un bien plus grand nombre de péchés que la fornication, qui s'exécute par un commerce illicite et que, ce semble, l'apôtre avait en vue. Cet ouvrage, en exceptant la lettre qui a été ensuite ajoutée à son début, commence ainsi, celui qui lira ce traité sur la Trinité. Note. La lettre précitée n'est pas dans les éditions que l'on peut trouver.